Business Entreprise, interruption spéciale. François, vous êtes avec un entrepreneur du futur. Oui, je suis avec Xavier qui a lancé sa boîte il y a 10 ans. François, si ça fait 10 ans, ce n'est pas un entrepreneur du futur. Si, un entrepreneur du futur, ce n'est pas uniquement les jeunes entreprises, c'est aussi les entreprises qui ont de l'avenir. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent peuvent envoyer leur candidature au Grand Prix de la Fondation d'entreprise MMA des entrepreneurs du futur. François, pas de publicité. Zéro fracas, zéro blabla, MMA. Vous écoutez France Inter, bon après-midi, il est 17h. Les dernières infos avec vous, Laetitia Gaillet. Bonjour Laetitia. Bonjour, faut-il y voir une réaction à la pression des manifestants? En tout cas, les négociations entre Lactalis et les organisations de producteurs de lait vont reprendre cet après-midi à Laval. La rencontre aura lieu à la préfecture de Mayenne, mais la FNSEA maintient le cap. Elle prévoit des actions devant 15 sites de Lactalis à partir de 20h. Toutes les régions seront mobilisées, dit le premier syndicat agricole. Philippe Géant, le président de la FDSEA de Mayenne, met aussi en garde contre un échec. Si jamais, malheureusement, cela devait achoper une nouvelle fois cette semaine, ce sera compliqué de durer sans heurts et fracas. Là aussi, nous aussi, en tant que responsables, nous allons fatiguer et on va laisser le terrain s'exprimer et c'est pas toujours bon. Moi, j'ai toujours dit qu'une manifestation était comme une cocotte minute où on laissait passer un peu de pression, et mais tout le monde se rassemblait, se serrait les coudes et il y avait une vraie ambiance de solidarité avec des valeurs portées par le monde rural. Mais si on n'est plus en capacité de fédérer cela lors des manifestations, advienne ce que pourra. Aujourd'hui, c'est une colère froide, canalisée, parce qu'on croit encore en la responsabilité agricole d'emmener une décision positive. Si nous, en tant que responsables, nous baissons les bras, je pense qu'effectivement la colère va être multiple, démultipliée dans nos campagnes. Des propos recueillis par Anne Lamotte. Fantasme et élucubration pour sa rentrée ce matin. Najat Vallaud-Belkacem a pourfendu les critiques. La réforme du collège n'est pas l'apocalypse annoncée. La terre, dit-elle, ne va pas se fendre en deux jeudi. On continuera d'enseigner le grec et le latin. L'orthographe n'a pas été réformée. L'allemand n'a pas disparu. La ministre de l'Éducation prédit donc une rentrée apaisée. Et ce malgré l'appel à la grève lancé par plusieurs syndicats pour le 8 septembre prochain. Après l'attentat de Nice, l'assassinat du père Hamel, la polémique sur le burkini, le chantier de construction d'un islam de France est en marche. Au ministère de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve a reçu aujourd'hui au grand complet le Conseil français du culte musulman, l'écrivain Goncourt, prix Goncourt Tahar Ben Jelloun, mais aussi le recteur de la mosquée de Lyon. Trois sujets étaient au menu de cette réunion, le financement des projets culturels et religieux, mais également le renforcement de la formation des imams. Le dossier du burkini d'ailleurs n'est pas clos. Le comité contre l'islamophobie assigne aujourd'hui en justice les villes de Nice, Menton, Roquebrune, Cap-Martin et Fréjus, celles-là même qui ont décidé de maintenir leur arrêté anti-burkini, et ce malgré la décision du Conseil d'État vendredi dernier. Les audiences auront lieu demain et mercredi devant les tribunaux administratifs de Toulon et de Nice. S'il n'y avait pas eu la polémique burkini, on en rirait presque. On l'apprend aujourd'hui, vendredi dernier, sur la plage de la Lagune, au pied de la dune du Pilat en Gironde. Il y a eu une bagarre entre nudistes et baigneurs en maillot, Stéphanie Scock. Selon plusieurs témoignages, une dizaine de jeunes gens en maillot déambulent autour de femmes nues et tiennent des propos graveleux. Les nudistes demandent alors aux textiles de quitter leur plage ou de tomber le maillot. Nouvelle raillerie, insultes et jets de sable, la situation dégénère, des nudistes accourent en renfort et la bagarre éclate. Gifles et coups de poing, la bataille rangée se déroule sous les yeux médusés de centaines de baigneurs. Les CRS MNS du poste de secours sont prévenus, ils arrivent en 4x4 toutes sirènes hurlantes et rattrapent deux jeunes qui tentaient de s'échapper. Deux jeunes bordelais qui sont auditionnés mais qui repartiront finalement libres du commissariat. Quelles seront les suites judiciaires, on ne le sait pas encore. La police n'a pas fini d'auditionner tous les plaignants. Stéphane Hiscock, Mark David Chapman reste en prison. Le meurtrier de John Lennon s'est vu refuser une 9e demande de libération. Âgé de 61 ans, il était condamné en 81 à une peine pouvant aller de 20 ans à la perpétuité et il est libérable depuis 2000. Combien pour racheter l'Olympique de Marseille? L'histoire ne le dit pas encore, mais on sait que l'OM va bientôt avoir un nouveau patron. Le repreneur est américain, Frank McCourt. C'est l'ancien propriétaire du club de baseball des Los Angeles Dodgers. Frank McCourt est entré en négociation exclusive avec l'actuelle propriétaire de l'OM, Margarita Louis-Dreyfus. Enfin, la SPA a fait les comptes. 4000 animaux ont été abandonnés entre le 1er juin et le 15 août, soit environ 24% de plus que l'an dernier. Et il paraît qu'on abandonne plus les chiens que les chats. 17h et presque 5 minutes sur France Inter. On file à la Bourse de Paris, retrouver Antoine Verlin. Antoine Verlin, c'est une fin de journée plutôt orientée à la baisse. Eh bien oui, Laetitia, le CAC 40 recule actuellement de 0,38%. Il est à 4 425 points. Les investisseurs se demandent toujours si la Réserve fédérale des États-Unis va ou non relever ses taux d'ici la fin de l'année. Ils attendent donc prudemment des indicateurs qui leur permettraient d'anticiper ce possible resserrement monétaire. Et le point déterminant sera peut-être la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Mais pour le moment, eh bien, on évite les prises de risque. L'euro se négocie 1,1170. Cette remontée de la devise américaine accentue le repli des cours du pétrole. Le prix du baril abandonne en ce moment plus d'1,5%. Plus globalement, ce sont les cours des matières premières qui sont en baisse. Et du coup, eh bien, ArcelorMittal perd 2,64%. C'est la plus forte baisse du CAC 40. En revanche, valeur défensive, Essilor, en tête de l'indice parisien, gagne 0,53%. Et puis en dehors du CAC, Alstom reste porté par son énorme contrat de 2 milliards de dollars aux États-Unis. Le titre progresse de 2,85%. Le CAC 40 est lui en repli de 0,35% à 4 426 points. C'est Antoine Verlin, La Bourse pour France Inter. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Very good trip. Le voyage musical de France Inter. Mishka Assayas. Tous les soirs, un parcours dans l'univers d'un musicien ou d'un courant du rock au sens très large. Avec de drôles d'histoires, d'étranges découvertes et en tout cas plein de surprises. Very good trip. A tout à l'heure. Sur France Inter, à partir de 21h. Moi, c'est Chloé. Je partage un appart avec deux colocs. Et des trois, je suis clairement la plus désordonnée. Je laisse tout traîner derrière moi. Non, je reconnais, je manque de sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Ils vont même plus loin. Mon offre MGEN inclut des services d'assistance. Par exemple, si je suis immobilisée après un accident, devinez quoi ? J'ai droit à une aide ménagère. Chloé a choisi MGEN. Et vous ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. Pour votre 25e saison, Charline, je me suis essayée au haïku. Vous êtes prête ? Un haïku. Haïku. Au cœur de l'été tonique, je me suis promenée, j'ai soufflé de manière énergique, le houblon s'est envolé, Belgique. Oh, c'est joli, hein ? Dites donc, vous mettez la barre très très haut, ouais, pour ce retour. C'est la Pléiade. Merci, félicitations, on n'en attend pas moins demain. En alexandrin demain peut-être. Non, on va garder le haïku, c'est court, c'est bref, c'est efficace. Et voilà. Merci Laetitia Gaillet. Allez, on a l'impatient de recommencer. Oui, oui, oui, oui. Et comme à chaque fois, écoutez ce qui s'est passé le matin lors de la préparation tout à fait studieuse de cette émission. Et pourquoi t'as envie de travailler chez nous ? C'est drôle. Ouais. Et puis j'ai besoin de travail. Ouais, très bien. Comment tu me trouves ? Sympa. Sympa, ouais. Enfin, à l'antenne. Non, physiquement. Ah, physiquement ? Ouais. Sympa. Ça, moi aussi, tu me plais beaucoup. Déboutonne un peu ta chemise que je... Non, c'est important pour voir tes qualités requises pour le job. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bah, je recrute, c'est pour la nouvelle saison. Mais rhabillez-vous, mademoiselle. Mais enfin, Alex, ça va pas ou quoi ? Ouais, mais c'est jamais bien. Excuse-moi, je me sacrifie pour faire passer les castings. Casting pour le Crazy Horse ou quoi ? C'est la méthode Morandini pour connaître l'entièreté de la personne. Salut Charline, salut Alex, bonne rentrée. Ah non, pas bonne rentrée d'abord, parce que Alex fait déjà n'importe quoi. Ah bah, comme l'an dernier. Oui, non, mais il déshabille les filles. Oui, comme l'an dernier. Moi, il m'a fait passer un casting, oui, aussi. Résultat, on est très content de son travail. Non, alors que les choses soient claires, je ne veux pas de ce genre de méthode ici. Salut les amis, vous parliez de Morandini, j'ai entendu. Salut Guillaume, bonne rentrée. Oui, bah là, on s'y met là. Alex, je vais réfléchir à une sanction. On reçoit qui aujourd'hui ? Florence Aubenas. Ah, ouais. Une journaliste comme Morandini. Tiens. Quoi ? Ah, c'était pour rire, ça va. Non, mais c'est l'inverse de Morandini. Enfin, c'est comme si tu disais M. Pokora, il est chanteur. Comme Léo Ferré. Non, mais c'était pour rire. Mais c'est comme si tu disais, oui, bah... Captain Iglo, il est cuisinier, oui, comme trois gros. Oui, mais c'était pour rire. C'est comme si tu c'était disais. C'était pour rire. Non, mais non, cette année, on n'est pas là pour rire. Voilà. On est là pour changer le monde. Voilà. Et moi, je suis engagée. Hein ? Oui, engagée. Oui, alors d'abord, rhabillez-vous quand même. Ah, oh, bah oui, mais c'est Alex qui m'avait. Chut, chut. Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui agit très très mal en pratiquant la satire sur le service public. C'est mal, c'est Sarkozy qui l'a dit. Et voici les trois informations qui seront donc maltraitées jusqu'à 18h. Nos écoles se transforment en bunkers, la religion noie tous les débats, la société est divisée. Est-ce que les terroristes n'auraient pas déjà un peu gagné une bataille ? J'adore quand un plan se déroule sans à-coup. S'il y a tant de candidats aux primaires, c'est aussi parce qu'il y a plusieurs primaires. Il y a si peu d'idées, et pourtant la couverture médiatique s'annonce tellement grosse qu'on la voit de la lune. Ça, les Français sont tout excités. Hein. Oh, j'en ai marre. Oh non, j'en ai vraiment marre. Quand on ne comprend plus rien à la marche du monde, on peut toujours le regarder à travers l'objectif des photoreporters. Le festival Visa pour l'image s'est ouvert à Perpignan. Et pour survivre, la profession est poussée à devenir parfois plus créative. Pour en faire un selfie. Un selfie, pas. Et moi, je suis accompagnée de celui qui porte aujourd'hui une chemise col Mao, ce qui en fait un vêtement politique. C'est Alex Bizeret. Je suis habillée de gauche. Bonjour, Charline Badounaker. Je suis bien contente de vous retrouver. Vous êtes en belle forme. Et j'ai évidemment une belle équipe. C'est la tradition annuelle. 17h20. Si j'étais en matière de musique, le ying, sans nul doute, il serait le yang. Notre programmateur musical, monsieur Djoubaka, bonjour. Salut. De quoi on va parler ? De Bricot Machin. C'est un groupe de musique. Ah, tu vas voir. Ouais, okay. 17h30, celui qui a passé l'été à se ronger les doigts de ne pouvoir ennuyer le monde. C'est donc avec deux moignons qu'il est reparti à l'attaque. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors... Et ben moi je me suis intéressé bien évidemment à la polémique de l'été, hein, le fameux burkini. Je suis donc allé à Paris Plage et j'ai repéré des individus dangereux, comme cette vieille dame tout habillée sur le sable. Pour respecter, j'ai quand même un certain âge, bon, je me vois mal en maillot de bain ici. Hein. Et voilà, ça commence comme ça, puis après ça va se faire exploser sur le plateau des chiffres et des lettres. Lamentable. Il est chroniqueur, enfin il nous le fait le croire, depuis un an. Et ça marche, parce que c'est avant tout un énorme comédien. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour Alex. Oui, j'en fais une gentille pour commencer. De quoi on parle ? Eh bien, on va parler de la sincérité, comme tous les comédiens devraient le faire. Très bien. Si tu écoutes, J'annule tout est présent dans un monde virtuel, sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire et voyez les exploits d'Alex Vizorek. Une année à base de visuels. Allez voir sur Facebook, je vous en dis pas plus. Quant à notre invitée, elle a eu l'inconscience d'accepter d'être notre marraine pour cette troisième saison. Car cette saison, on va enfin changer le monde. Ah, c'est... Je vous laisse vous annoncer. Vous êtes... Je m'appelle Florence Aubenas. Ah, mais voilà, oh, mais oui, voilà. Florence Aubenas. C'est hyper classe. C'est génial, c'est Florence Aubenas. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. Bonjour Florence. Bonjour Charline. Bonjour, je crois qu'on l'a bien fait. Hein. Bonjour Marais. Alors Sarkozy a dit que c'était très très mal de faire de la satire sur le service public. Oui. Vous avez quand même accepté d'être notre marraine. Ça, vous n'aurez pas de soucis avec ça. Non, au contraire, je pense que c'est le moment où on va faire quoi. Enfin, je crois qu'il faut se lancer là. Allons-y alors, allons-y. Il est encore temps, non ? Oui, bien sûr. On a jusqu'en mai, après on verra ce qu'on devient. Alors, on a pu vous lire notamment cet été à travers une série dans Le Monde sur des personnages qui ont une sacrée part d'ombre. Il y avait par exemple Michel Martin, la femme de Marc Dutroux, ou le traducteur en français de Mein Kampf. Est-ce qu'il y a des sujets, et ces sujets en font partie sans doute, qui échappent au son et à l'image et que seul l'écrit peut raconter ou que seul l'écrit peut capter la force, le souffle ou la subtilité ? Non, je ne pense pas. Je pense que chaque... l'écrit, le visuel, enfin tout peut raconter quelque chose. Là, ce qui m'intéressait dans cette série-là en particulier, c'est que... Alors, tous les sujets qu'on vient de passer en revue, extrêmement amusants et satiriques, comme... Hein ? Et on va arrêter. on va se marrer. Là, c'est parti pour une grosse rigolade. On vit en ce moment une époque où chacun... est extrêmement troublé de ce qui se passe. Et je pense que la majorité des gens, l'immense majorité, a envie d'une société apaisée, où tout se passe bien, etc. Mais c'est le comment y arriver, où est le bien, où est le mal, comment faire pour que les choses se passent bien, est-ce qu'il faut interdire ou au contraire permettre, est-ce qu'il faut sécuriser ou au contraire laisser les choses ouvertes. Et ça m'intéressait de voir comment ça s'était passé à travers d'autres histoires, à travers d'autres aventures, c'est-à-dire au Chili, comment ça s'est passé chez les Khmers Rouges, etc. Et c'est ce trouble à chaque fois qui m'a frappée. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, il y avait une femme qui est institutrice, une Française, qui est partie vivre chez les Khmers Rouges avec son mari cambodgien. Et elle n'a pas compris à cette époque-là, et sincèrement pas compris, que ce qui était en train de se passer. Et je pense que ça nous arrive aussi aujourd'hui. Alors, je ne pense pas qu'on vit chez les Khmers Rouges, hein. Je le dis tout de suite, la satire a une limite. Non. Donc, mais... Oui, oui. Non, il n'y a pas de gens de gauche au pouvoir chez voilà, nous. Voilà, attention. Oui, c'est ça. Mais Paris n'est pas vidé de ses habitants. Enfin, voilà, c'est des petits détails qu'on se rend compte. Mais c'est ce trouble face à ce qu'on traverse que je trouve très frappant aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne sait ce qu'il faut faire. Voilà. Ouais. Ça veut dire aussi que souvent en France, les débats sont très tranchés. Il faut avoir un avis, il y a des tribunes où on est pour ou on est contre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi un espace sur le moment où on essaye de comprendre le monde, un espace un peu trouble où il faut accepter qu'on n'est pas forcément la solution, le bien, le mal, qu'il y a un ventre mou au milieu? Bien sûr, qu'on peut se tromper, qu'on peut hésiter, qu'on peut dire bah, j'ai d'abord pensé ça et ensuite j'ai changé d'avis. Moi je pense que c'est ce moment-là. Et les gens qui ont un avis tranché sont à mon avis extrêmement dangereux aujourd'hui. C'est faux, vous dites n'importe quoi. Je pense que justement, et ce qui me frappe beaucoup, c'est que ceux qui ont un avis tranché, c'est toujours un peu cette espèce de couche politico-médiatique, nous, en un mot, qui sait pertinemment qu'il faut interdire ou ne pas interdire, et ça. Et c'est eux qui, justement, en ce moment, allument un peu le feu sous le chaudron. Et je trouve les Français extrêmement raisonnables. On a entendu parler d'un ou deux restaurants où on avait refusé des femmes voilées. C'est lamentable, mais en tout cas, c'est limité. Mais ceux qui devraient apaiser, ceux qui devraient appeler tout le monde à se retrouver, à être ensemble, etc., sont aujourd'hui ceux qui divisent, quand on entend en particulier la course aux primaires, les choses comme ça. Et c'est ça que je trouve extrêmement frappant aujourd'hui. Je trouve que les premiers à calmer sont ceux qui aujourd'hui disent « Interdisons ça, commençons à faire ci, moi je vais faire, alors ma campagne ça va être tout le monde à poil. » Enfin, bon, je trouve ça littéralement lamentable. C'est le programme de Morandini. Alors, il se présente aussi. Pour en arriver là et être apaisé, il faut aussi pouvoir éclairer. C'est votre rôle d'éclairer les faits en allant enquêter, en allant sur le terrain, en faisant des reportages. Albert Londres s'était porté la plume dans la plaie. Est-ce que parfois, c'est aussi penser les plaies aujourd'hui, quand on vit une époque très tourmentée? Est-ce qu'il y a un peu de ça dans votre rôle aussi? Enfin, dans le nôtre à tous, hein, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir accès à la parole, j'allais dire, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens. Et je pense que aujourd'hui, oui, le rôle de tous ceux qui parlent aujourd'hui, c'est de dire, voilà, on est un pays, on est tous ensemble ici, tout le monde va y rester. Personne ne va remonter dans des bateaux, en tout cas, j'espère pas. Mmh. Et comment on va faire pour vivre ensemble? C'est-à-dire que il faut ouvrir des débats, il faut ouvrir des espaces communs et des choses comme ça, et non pas des espaces qui s'excluent les uns les autres. Et donc, je pense que oui, c'est notre rôle à tous, et d'enquêter là-dessus, et comment ça se passe. Et c'est ça qui me frappe beaucoup quand on se promène en France. C'est la honte qu'ont eu les gens de voir ce dévoiement et de dire, regardez, les autres pays nous regardent, on a l'air d'imbécile, etc. Et c'est très frappant, je trouve, que cette classe politique ne nous porte pas ni chance ni gloire. Alors, on pourra discuter avec vous samedi 17 septembre à 10h. Je vous informe. Parce qu'il y a le Monde Festival, le dialogue avec la rédaction qui est organisé pendant un week-end, me semble-t-il, au journal Le Monde. Bah, alors, appelez votre rédaction. Notez dans notre agenda, Florence. C'est à la salle Berlioz de l'Opéra Bastille. L'Opéra Bastille, ça me dit quelque chose. Mais le Monde Festival, ça me dit. Le monde aussi, ça me parle. Non, c'est une autre, Florence. Je renvoie aussi à toute votre série d'été dans Le Monde, sur ces personnages et leur part d'ombre. On a cité par exemple la femme de Marc Dutroux, ou le traducteur de Mein Kampf, qui est très troublé. Et puis on rappelle évidemment aussi le cas de Wistreham. Il sort en poche ou il est sorti en poche? Il est déjà sorti en poche. Édition retrouvée. Parce qu'elles étaient perdues, mais... Florence Aubenas est avec nous jusqu'à 18h. Vous êtes donc sur Florence Inter. Radio Poulet, vraisemblablement. En tout cas, ça n'est pas végétarien. Mais c'est musical. Something I want to show you. Now y'all heard of the popcorn, y'all heard of the dog, and you heard about all of them other dances. But now there's a brand new dance that's going around. I want to show you exactly what I'm talking about. I'm talking about the funky chicken. Y'all ready? I say y'all ready. Okay, here we go. You raise the left arm up, right on too. Let me tell you just what to do. the famine, start to feed the kitten. That's when you know you're doing the funky chicken. Second spasm. You put both arms up across your face. Your knees start wiggling all over the place. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, oh, hey, hey. Oh, I'm feeling it now. I feel so unnecessary. This is the kind of stuff to make you feel like you wanna do something nasty. Like waste some chicken gravy on your white shirt, right down front. Here we go, y'all. You work both arms and you work both feet. You together, baby, you right on the beat. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, oh, it's all right. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. C'est Djoubaka qui a choisi la musique de rentrée d'Annultout. Djoubaka qui est avec nous. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a plu? C'est Rufus Thomas. Ouais. The Funkin' Chicken. C'est une danse des années 50 que j'adore. Puis là, les poulets sont de sortie. On est à fond. The Funky quoi. Chicken. Do the Funky Chicken. Et nous sommes en direct avec notre marraine de la saison 3. Florence Omna est avec nous. Mais pas que. Mais pas que. Pas que. Alors, Florence Omna, du Monde. Alors, attention, le Monde est sorti aujourd'hui. Angela Merkel, le titre, c'est, je la cite, beaucoup reste à faire. Donc, vaste ah sujet. Oui. Hein. Puis vous n'êtes pas dedans aujourd'hui, vous n'avez rien foutu. Qu'est-ce rien qui se passe? D'accord, très bien. J'ai pris mon week-end. Florence Omna. Et Hippolyte Girardot, et Guillaume Meurice, et Djoubaka qui nous fera une chronique musicale tout à l'heure. Voilà, alors, comme Florence Omna n'a pas écrit dans le Monde d'aujourd'hui, on va prendre le relais. Vous allez prendre une leçon de journalisme, attention. Pendant 30 ans de ma vie, il va pas pouvoir continuer comme ça. J'ai fait la tournée de tous les bistrots. Le journal de presque 17h17. Ça devient gênant. Et on commence par les titres. Nicolas Sarkozy veut changer la constitution pour interdire le burkini. Voilà, je serais lui si j'avais la chance de changer la constitution, je m'attaquerais plutôt à la prolongation de l'immunité présidentielle. Najat Vallaud-Belkacem va demander l'interdiction des Pokémon rares dans les écoles. Ça, ce serait vraiment con de donner aux enfants l'envie d'aller à l'école. Et il y aura des brèves, oui, ainsi que la nouveauté, l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas ailleurs. On commence en Seine-Saint-Denis, où un restaurateur a refusé de servir deux femmes voilées. Voilà, précisons que l'homme était vêtu d'un tablier et coiffé d'une toque. Politique, on commence par la droite. Oui, Ingrid Betancourt, ancienne otage des FARC, se dit prête à aider Nicolas Sarkozy pour sa campagne présidentielle. Oui, avec Sarkozy, il y a toujours une Betancourt qui traîne. Oui, mais très complémentaire. Hein, à cause de la première, il va se retrouver détenu et la seconde pourra lui raconter comment ça se passe. Pour son entrée en campagne, François Fillon a déclaré « Qui imagine De Gaulle mis en examen ?» Et on a la réaction du général. Mais foutez-moi la paix. Évidemment. Et ce week-end au JT de 20h de France 2, Nicolas Dupont-Aignan a répondu à la question « Êtes-vous plus proche de la droite ou du FN ?»« Moi, je suis gaulliste », a-t-il répondu. On a la réponse du général. Mais foutez-moi la paix. Voilà. Dans l'affaire de la chasse aux Pokémon dans les écoles, Najat Vallaud-Belkacem a déclaré... Oui, elle a déclaré « Le général De Gaulle, lui, ne jouait pas aux Pokémon pendant l'été. » Mais foutez-moi la paix. Oui, si... comme si j'étais... Oui, il faudrait peut-être, oui. Économie. Les négociations ont à nouveau échoué entre Lactalis et les producteurs de lait. Le prix d'achat pratiqué par Lactalis ne permet même pas aux agriculteurs de gagner un SMIC entier. Oui, pour l'instant, les agriculteurs gagnent un SMIC demi-écrémé. Exactement. International. À l'aéroport de Los Angeles, la police a arrêté un homme déguisé en Zorro. Oui, et Barack Obama n'a pas déclaré vouloir changer la constitution pour interdire les capes et les masques de Zorro. La nuit dernière, une explosion d'origine criminelle s'est produite à l'Institut National de Criminologie. Et c'est arrivé où ? Chez nous, bien sûr, à Bruxelles. Peut-être c'était le pot de rentrée, on ne sait pas. À cause de l'été, nous n'avons pas pu souhaiter un bon anniversaire à Fidel Castro. Oui, il a fêté à Cuba ses 90 ans, recevant un cigare de 90 mètres de long. Vivement l'anniversaire de Bill Clinton. Passons à l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas ailleurs. Oui. Aujourd'hui, Alex, vous avez interviewé un Burkini. Oui, j'ai l'interview en direct même. Bonjour le Burkini, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Bonjour, bonjour à vous. Mais je suis très content de vous parler aujourd'hui. Un accent du mais coup. Non, idiot, c'est pour le cliché. J'ai l'impression que ça plaît en France. Ah oui, bah, évidemment. Comment alors vous vivez cette hystérie autour de vous ? Bah, disons que je suis un peu déçu. Hein. Tout le monde parle de moi, mais bon, personne n'en achète. Quoi. Je me sens un petit peu comme un disque de Francis Lalanne. Oui, évidemment. Vous préfériez plus de discrétion, évidemment. Bah oui, disons que c'est même mon utilité première. Hein. C'est con à dire, mais si on pouvait mettre un voile sur ce débat, j'aimerais bien. Quoi. Oui. J'imagine. Vous avez des projets ? Oui, je vais essayer de me transformer en inégalité sociale. En inégalité sociale ? Ah bah ouais, ça fait longtemps qu'ils cherchent plus à les faire disparaître. Merci à vous. Salam alaikum. Oui, merci. Et on termine par des brèves. Oui, des brèves, génial. Vous allez adorer Florence Sauvena. Grande-Bretagne, il meurt intoxiqué par sa cornemuse. Ah, oui, c'est s'il y a des champignons dedans. Oui, c'est plus belle comme décès, ça peut exister. Oui, Inde. j'ai. Florence Sauvena se régale. Une dame de 128 kilos tombe dans les escaliers, deux morts. À un moment, je pense qu'on peut parler de sélection naturelle. Vous ne me demandez pas si j'ai mieux comme décès ? Non, c'est bon, à demain. C'est parce qu'elle est tombée. Elle a entraîné son mari dans la chute. Ils sont restés tous les deux. Oui, merci. Florence Sauvena est avec nous, bien sûr. On repart dans une actualité normale. Avec le premier sujet, Florence, la religion occupe tous les débats, comme au Moyen-Âge. Tiens. Les écoles prévoient des stages de confinement au sous-sol et la société est divisée sur un maillot de bain intégral. Le terrorisme est en train de changer notre quotidien, alors que si on commençait déjà à être un petit peu curieux envers les autres. Bicon, Métec, Moutouf sont autant de petits sobriquets que d'aucuns usagers utilisent pour désigner nos amis les Maghrébiens. Pour la plupart originaires de l'Afrique du Nord, les Maghrébiens font maintenant partie intégrée dans le paysage de nos villes urbaines. Apprendre à les approcher et à les connaître est un pas vers plus de convivialisme. Ils ont en effet plusieurs us et habitudes de coutumes qui diffèrent des nôtres. Par exemple, saviez-vous qu'ils s'abstiennent de jeûner pendant tout ce qu'ils appellent la période ramadante ? De même, leurs épouses se voilent encore bien souvent la tête avec le sari hébreu traditionnel. C'est le comédien Manu Thoreau dans le programme Faux Contact de la RTBF où il jouait un policier bruxellois. Voilà. Alors Florence Sauvena, quand les parents flippent parce que la rentrée scolaire est un peu bunkérisée avec plein de mesures de sécurité, comme le confinement, des exercices de confinement deux fois par an, que la religion est vraiment au centre de tous les débats quotidiens, du moins dans les médias, et que la société est gravement divisée autour de bouts de tissu. Est-ce que on peut dire que le terrorisme est en train de gagner une bataille ? Non. Non. Parce que on voit évidemment ce qui est suspendu, la braderie de Lille, ou effectivement des très grandes... À partir du moment où la foire à la tomate de Montlhéry est annulée, Daesh a gagné une bataille quand même, non ? Oui, mais toutes les foires à la tomate ne sont pas annulées. Et c'est ça, il y en a beaucoup, j'étais à un festival ce week-end, au Vigan, dans les Cévennes, et je leur demandais, vous n'avez pas annulé avec le truc ? Et le type, j'ai cru qu'il allait avoir un accident, il m'a dit, on n'y a pas pensé. Voyez, donc et les festivals se sont déroulés tout l'été. Et je pense que des festivals se sont déroulés tout l'été. Donc, bien sûr que certains s'arrêtent. Et bien sûr que j'imagine que dans les écoles, on fait des mesures de sécurité parce qu'on se voit difficilement faire autrement. Mais voilà, je pense pas du tout que le terrorisme a gagné. Je pense que les gens continuent, dans la plupart du territoire, à vivre tout à fait normalement. Oui, je pense que c'est vraiment... au contraire, je pense qu'il y a même une revendication à ça. Hein, vous vous souvenez qu'il y avait eu ce bouquin qui avait explosé, Paris est une fête, après le Bataclan. Enfin, oui, Demingway. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... presque, ça réveille cette espèce de sentiment de dire, non, justement, on continue à sortir. Non, justement, on continue à faire les choses normalement et tant mieux. Alors, toute chose étant ou pas comparable, ce sont des réflexes qu'on développe, que vous avez connus avant, en couvrant des zones de guerre et des zones où le terrorisme fait partie du quotidien des gens. Et est-ce qu'il y a quelques années déjà, quand vous avez couvert l'Irak ou l'Afghanistan ou même le Liban, est-ce qu'il était possible d'envisager que ça puisse avoir des conséquences chez nous et qu'on puisse vivre ça de plein fouet, toute proportion gardée encore ? En fait, on l'avait vécu un peu au moment de grands attentats dans les années 80. quand il y avait des attentats à la FNAC, voilà, ça, ensuite à Saint-Michel, dans les années, au milieu des années 90. Donc il y a eu plusieurs vagues d'attentats importantes en France, où les gens ont eu peur, si vous voulez. Ils se sont dit, on va mettre des bombes. Il y a eu des paniques, les gens prenaient moins le métro, etc. Donc c'est quelque chose qui a été connu. Je pense que la grande différence aujourd'hui, c'est qu'il y a justement une construction, je pense, qui est de dire, attention, c'est votre voisin qui vous menace et non pas quelqu'un venu de l'extérieur. Et c'est ça qui est très triste pour nous tous, parce que ça donne l'image d'un pays qui n'est pas ce pays réel, et qui est de dire, voilà, attention, regardez. En plus, tous les reportages vont dans le même sens. Ah, mais on n'a pas deviné qu'il était ça, et c'était un type formidable, pas du tout, comment savoir, etc. Il faut se méfier des types formidables. Oui, c'est ça. Moi, je fais pour les coffrets tous. Et donc, ça fait monter cette espèce de pression, parce qu'on se demande qui on a en face de soi. Des gens ordinaires qui commettent... Voilà, c'était quelqu'un de tout à fait ordinaire, il était très sympa, il m'a tenu à la porte encore hier, c'est bien vous dire, attention si on vous tient la porte. Donc, il y a cette espèce de pression autour de ça. Et je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, et très attention... Et relativiser, et bien sûr, lire et s'informer correctement. Oui, c'est ça. Permet de relativiser. Même se dire que ce pays qu'on montre n'est pas le nôtre. Mm-hmm. Et c'est marrant parce que je l'ai vécu en allant, justement, vous citiez tout un tas de pays qui, pour tout le monde, signifient danger mortel, etc. Et pas aller se mettre au vert, voilà, ça je vous confirme. Et chaque fois qu'on revenait, nous journalistes, les gens nous engueulaient en disant « Ouais, vous montrez une image de notre pays qui est terrible, en fait, vous regardez, on vit très bien ici, on mange en terrasse, tout va bien, etc. » Et qui était effectivement et l'Afghanistan, et l'Irak, et ces pays-là. Donc il y a une façon d'apprivoiser les événements et de les relativiser. Alors évidemment, c'est facile à dire aujourd'hui, il y a des victimes, on est tous avec elles, etc. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé. Mais il s'agit de se dire aujourd'hui, voilà, ça se passe, c'est ça qui se passe, comment on fait ? Et donc je crois que c'est ça l'enjeu et le défi. Mais la braderie de Kaboul a été annulée aussi. Je me disais bien, parce que le 17, c'est là où je voulais aller, le 17 septembre. Vous faites bien de me prévenir. Et en ces temps troublés, la musique permet de relativiser, et notre programmateur musical, Joubaka, comme ça vous pouvez répondre de ce que vous programmez dans cette émission. Oui. Plaider coupable. une découverte à nous faire, Joub. Bah, comme vous le savez, il y a dans la vie des grands moments de solitude, comme quand je dois désannoncer un disque chez vous. Et à la rentrée, les gens en général ont deux idées dans le cerveau. Hein. Repartir en vacances, ça c'est la première, ou commencer les travaux de la baraque, qu'on doit faire depuis des mois, voire plus. Moi par exemple, ma cuisine, elle attend depuis 2 ans. Donc c'est la rentrée, résolution, action. Et je dois vous avouer que c'est là que le grand moment de solitude prend son envol. Parce que qui dit travaux dit outillage, accessoires et magasins. Là, le cauchemar commence, la sueur perle sur mon front, parce que les outils, les vis, les clous, en fait, franchement, dans leur fonction première... Chronique bricolage. Chronique consommée. Je m'en fous, quoi. Et est-ce qu'on J'y a besoin pas, là, de 15 formats de disques différents pour écouter de la musique? C'est une question métaphysique, ça, pour André Manoukian. Quoi. Comment il est passé de l'un à l'autre chez Benjamin? J'ai loupé le clou, là. Ouais. Rentrée, résolution, qu'est-ce qu'on dit après? Action. Je vais dans le magasin, je pousse la porte du bricomachin. On est terrorisé dans le magasin. Terrorisé. Et puis on essaye de voir dans ces kilomètres, enfin j'essaye en tout cas, un immense magasin d'instruments de musique. Pour me donner du courage, je regarde circonspect ces choses en plastique, en acier. Je tape doucement dessus parce que moi, ce que j'aime, c'est de trouver le mi du marteau, le fa du tuyau de cuivre, de passer en cadence du papier de verre, comme ça, sur de la tôle qui résonne. Bref, de faire de la musique avec des outils parce que je suis... Lamiste. Je joue de la scie musicale, de la lame sonore, une musique que seuls les anges comprennent. C'est moche de rire. You Boris. Quoi, c'est beau. Moins un. C'est une baleine, ça n'a rien à voir. C'est musical. Mais joué par une baleine. Au magasin. Ah. Au magasin de baleines. Mais moi, je crois que c'était un gag, ça existe vraiment. Mais oui, attendez, on y est au magasin, là. D'accord. Ah oui, on n'a pas suivi trop mon truc. Si. Mais nous, on est venus avec les petites cuillères, donc... Parce que la scie musicale, en fait, c'est un petit miracle. On raconte, en fait, que ce sont les bûcherons canadiens qui ont cassé le violon et qui ont récupéré leur scie et un archer, hein, pour tutoyer, comme ça, l'octave. Ben là, j'ai fait le moment culture, trêve de plaisanterie, donc entrée, rentrée, résolution, action. Après avoir martyrisé quelques clés à molette, là, dont le cliquetis était très excitant. Après avoir longuement réfléchi dans le rayon des alarmes domestiques en imaginant une symphonie technoïde pour mes voisins, j'arrive devant l'entrée des boîtes à outils et je retrouve par hasard, parce que la vie fait bien les choses, des amis bavarois, les Alpine Drums. Alors ces messieurs pourraient faire l'ouverture du carnaval de Rio. Ils sont 6 pour cette samba avec boîte à outils en acier et clé de 16. Vous voyez leur tête. On est hyper mal à l'aise. Hein. La tôle. C'est là qu'il faudrait les mettre. Les gars. Donc c'est du concerto de proximité. C'est du concerto de proximité. Ne reculons devant aucun danger. Je vais faire un tour au rayon jardin. Et me voici devant un rack de tronçonneuses. Parce que c'est bien connu, à Paris c'est utile. On a tous un arbre chez soi à entretenir. Ou alors c'est que le patron du magasin lui-même est tronçonniste, c'est-à-dire qu'il joue de... La tronçonneuse. De la tronçonneuse, ça commence à bien marcher, quoi. Hein. Et nous, en la matière, on a un dieu, un maître, il s'appelle Jacques Dupri. Il a été chanteur tronçonniste du groupe Jacques Hill, un groupe de hard rock américain hein, des années 90, qui a vendu 1 million d'albums, c'est pas donné à tout le monde. Et dont un des titres phares était The Lumberjack. Ce billet lui est dédié et que gloire lui soit rendue. Ça vous change Michel Thor, ça, Alex. Là, c'est un solo de tronçonneuse, ouais. Là, par exemple, de Jacques Hill. Et on a écouté The Lumberjack, oui. Grâce à Djoubaka. Ils seront en concert en forêt de Fontainebleau ce week-end, donc allez-y, ne les loupez pas, bien entendu. Vous êtes sur Florence Inter avec Florence Oumna, qui nous accompagne jusqu'à 18h. Florence, voici un sujet, une enquête, un sujet de proximité, comme vous les aimez tant. Chic. Par Guillaume Meurice. C'est sur la dépakine, non? Presque. Non, bah, première chronique d'une année présidentielle. On va donc s'intéresser à celui qui sera la véritable star de cette campagne. Vous le connaissez, je veux bien évidemment parler du musulman. Alors là, vous allez en bouffer du musulman à toutes les sauces. Le musulman n'est pas gentil, le musulman fait caca dans l'eau, le musulman chez les nudistes. Pas chez les nudistes. Enfin, en tout cas, pas les musulmanes. Hein. Enfin, pas toutes, puisqu'on l'a entendu tout l'été, la polémique, c'est donc le burkini. Ces femmes qui ont décidé de se couvrir sur la plage avec un maillot intégral moulant. Alors, ça les fait ressembler à une otarie boudinée, mais alors, moi, je dirais pourquoi pas. Hein, Alex, sur la place, il ressemble plus à une écrevisse hémiplégique. Donc, là, dire chacun son animal. Alors, ces femmes le font apparemment au nom de Dieu. Elles pensent que Dieu existe. Alors, moi, je dis pourquoi pas aussi. Hein. Si on devait condamner les gens qui pensent des conneries, Christian Estrosi serait en taule depuis quand même une paire d'années. Et d'ailleurs, Christian Estrosi, il fait partie de ces gens qui pensent que la liberté des uns s'arrête là où la récupération politique commence. Ces gens qui ont bien pigé que les médias, l'été, ils sont en quête de polémique pour booster une audience mollassonne. Et moi, donc, je bosse dans les médias. Hein, et on est toujours en été. Donc, je me suis rendu à Paris-Plage pour poser la question qui fâche. Est-ce que vous avez vu des burkinis un peu. Non, non, j'ai vu des hommes grenouilles. Non, alors non, alors c'est pas le moment de relancer une nouvelle polémique hein, après les femmes otaries, les hommes grenouilles. Non, chacun son tour. Aujourd'hui, on cherche bien les signes religieux ostentatoires musulmans. Hein, comme cette dame avec un sac de supermarché en toile sur la tête qui, comme par hasard, s'est dépêchée de l'enlever dès que je me suis approché. Qu'est-ce qu'elle était venue chercher à Paris-Plage ? L'air frais, surtout quand il fait chaud. Aujourd'hui, il fait chaud. Eh ben, il fait chaud. Parce que je vois, vous étiez voilée tout à l'heure. Ah non, c'était pour me protéger du soleil. Ah, vous êtes sûr ? Sûr, absolument. C'est pas un signe religieux, ça ? Non. Ouais, faut être vigilant. Hein, sac l'idole sur la tête, quand même, hein, ça peut être dangereux. Alors, je vous rappelle qu'on n'est pas là pour aider ces femmes à se soustraire à la domination masculine. Hein. Sinon, on créerait des centres pour les aider, comme il en existe, par exemple, au Canada. Non, non, on est là, comme la police française, pour les obliger à se dessaper. Hein. Si on va à la plage, on veut voir de la viande, bordel. Hein, je veux dire. Alors, même si c'est de la viande halal, hein, ben, on la laisse pas dans l'emballage. Voilà. J'ai d'ailleurs croisé un monsieur qui était bien d'accord avec ça. Il était farouchement contre le burkini. Je veux même pas en entendre parler, moi. Et vous êtes vachement habillé quand même là aujourd'hui. Moi je suis habillé, j'ai juste un petit maillot. Donc, vous avez des bretelles et un pantalon. Les bretelles c'est pour tenir le pantalon. Oui d'accord, mais je vois en plus vous avez des sandales et des chaussettes dedans. Oui, parce que moi c'est interdit, pied, ça. J'ai mal aux pieds et si je suis pieds nus, j'ai des... mal aux pieds. Ah oui, mais si chacun dit j'ai mal à ci, j'ai mal à ça, comment on fait nous ? Parce qu'on nous parle de liberté sans égalité, donc moi je suis pour tout le monde des chaussures et des chaussettes. Vous êtes un radical quoi. Non. Un mec avec des chaussettes dans ses sandales qui cherche à les imposer aux autres, hein, vous avez entendu. C'est pas un radical ça peut-être. Enfin, heureusement que je suis là hein, quand même pour veiller. Depuis quand en France on a le droit de s'habiller comme on veut ? C'est quand même un comble ça. Éric Ciotti revient un petit peu, ils sont devenus fous j'ai l'impression. Bon. Alors, cet homme est donc contre le burkini parce qu'il constitue une agression, mais il est favorable aux chaussettes dans les sandales. Pourquoi ? Parce que ma liberté à moi, personnelle, fait que je suis mieux comme ça. Mais oui, mais nous, c'est une agression pour nous, quelque part. Bah, une atteinte au bon goût. Si vous trouvez que c'est une agression, je peux le comprendre. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un burkini plus des chaussettes dans les sandales ? Est-ce que ce ne serait pas l'escalade ? L'escalade de la sandale ? Voilà, c'est ça. Joue au con en faisant semblant de ne pas comprendre ma question. Un comportement parfaitement irresponsable, hein, vous avez entendu. Irresponsable en plus parce qu'il fait des adeptes. Un témoin, cette autre dame, hein, dans le même cas de figure, une fois de plus, je suis intervenu. Est-ce que vos sandales sont compatibles avec les valeurs de la République ? Ça, j'en sais rien. Vous pouvez me le dire ? Ben, moi, je ne sais pas non plus. Ah bon ? Faites attention, il y a des flics qui arrivent là au loin. C'est pas grave, j'ai pas peur. Et voilà, une provocation, hein, pure et simple. Hein, ce que Bernard Cazeneuve appelle d'ailleurs la radicalisation express. Nul doute que la police, ou tout du moins la fashion police, l'interpellera bientôt, cette brave dame. Une dame qui s'opposait également hein, au port du burkini, bien évidemment. Moi, je trouve que c'est idiot. On est en France, ils doivent s'adapter à notre pays. Voilà. Nous, quand on va chez eux... Mais chez eux, où ? Dans les pays... comment je vais dire, religieux musulmane. Mais là, elles sont françaises, celles qui mettent un burkini. Ah ok, bah, je ne sais même pas au courant. Ah bah pas au courant, merde, ils ne l'ont pas dit sur BFM TV, ça c'est étonnant. Tiens. Alors, je crois bien qu'il y a d'autres choses qu'ils ont pas dit sur BFM et ailleurs, notamment sur le sable de Paris-Plage. Hein. Il est fourni par l'entreprise Lafarge, le bétonneur. Et la société Lafarge, elle a bossé un temps avec Daesh en Syrie. Hein. C'est le monde qui nous l'a appris, ça. Tiens, qu'en pense ce monsieur ? Que je comprends pas, c'est ils ont bossé comment avec Daesh ? Bah, ils avaient une entreprise qui était encore en Syrie et quand ça a été repris... Ah, mais ils savaient peut-être pas la farce qu'ils travaillaient pour Daesh. Ah, vous pensez ça ? Ben, je ne sais pas. En tout cas, ils ont livré le sable. Ouais, finalement, on s'en fout du reste. Du moment qu'il y a du sable, hein, on s'en fout s'il y a du sang dessus. Hein, c'est comme le débat sur l'islam, hein, on s'en fout d'emmerder ceux qui sont sur la plage pour s'aligner sur le programme du FN, du moment qu'on continue à vendre des rafales à l'Arabie Saoudite. Vous voyez, le burkini ne cache pas seulement le corps des femmes, hein, mais il cache aussi et surtout les saloperies de nos politiques. Merci Guillaume Meurice. Le journalisme créatif et non moins objectif. Je suis pas sûr sur la deuxième partie. Là. Je suis inquiet pour cette histoire de chaussettes dans les sandales. Parce que si les Allemands reviennent, on va plus les habituer. On va plus les reconnaître. En plus, il est venu en jean-kini, lui. Donc, c'est un peu facile aussi. Ça y est, la délation. Ouais. Ouais, on est en France. Ah oui, eh ben, parfaitement. Florence Omna est avec nous. On va suivre bientôt la chronique d'Hippolyte Girardot. Mais on va avant traiter le sujet 2. Alors, c'est normal qu'il y ait de plus en plus de candidats pour 2017, puisqu'il y a de plus en plus de primaires. On se dirige donc vers certains excès, comme une saturation médiatique, c'est le nouveau mot ça, saturation médiatique, ou des querelles terribles entre membres d'une même famille politique, évidemment avec toutes ces primaires. Par exemple, quand Jean-Frédéric Poisson va s'engueuler avec Geoffroy Didier, vous voyez, sur les plateaux, ça va être constructif, écoutez. Je venais de passer cette porte, je suis tombé sur deux collègues et je m'apprêtais à balancer sur toi un paquet de vacheries. Mais je me suis abstenu parce que mon vieux m'a appris qu'un homme qui balance des vacheries dans le dos d'un autre est un lâche. Waouh, entre nous, je préfère ça. Tant mieux, parce que je vais te le dire en face. Non. Rien ne t'y oblige. Si, je peux pas te sentir. Le bruit que fait ta pisse en tombant dans l'urinoir, on dirait une gonzesse. Si on était dans la jungle, je te sauterais dessus. Et même si tu n'étais pas dans ma chaîne alimentaire, je serais prêt à faire un détour exprès pour te sauter dessus. Et si j'étais un lion et t'étais un thon, je nagerais jusqu'au milieu de l'océan et je te becquerais tout cru. Mark Wahlberg dans Very Bad Cops. Florence Omna, vous allez y prendre part finalement aussi à cette campagne. Vous allez la couvrir d'une certaine manière, j'imagine. Ah, j'ai hâte. Vous avez... Je me dis, mais quand est-ce que ça commence? Ça a commencé presque 6 mois après l'élection de Hollande, je pense. Oui, hein, à peu près, pas, voilà. Pas, le lendemain. Ensuite, voilà, le lendemain. Ensuite, on a eu les régionales, les générales, les municipales, etc. Enfin, les primaires, je me disais, mais... Ben oui, ouais, voilà. Quand donc, est-ce que ça voilà. vient? Mais évidemment, il y aura ces débats de politique politicienne et la saturation de l'espace médiatique, pour employer ce mot que tout le monde emploie depuis la rentrée. Et puis, il y a aussi tout le travail de terrain que vous faites, vous. Et vous voyez souvent les décalages qu'il y a entre les débats sur lesquels on s'excite pendant des semaines, et la réalité. Je pense notamment à la déchéance de nationalité. Ah oui, vous êtes rendu compte, en enquêtant, en faisant du terrain, tout simplement, que la moitié des gens ne savaient pas ce que c'était. Ne savaient pas ce que c'était, ne s'y intéressaient pas. Donc j'avais fait un reportage qui n'avait rien à voir avec la politique, sur un immeuble, qui était un immeuble HLM, qui était construit à Troyes. Et donc tous les gens s'installaient, et j'avais voulu faire un peu, vous voyez, la vie mode d'emploi, ce bouquin de Pérec. Et donc de voir chaque étage, alors qui vient là, pourquoi, etc. Et donc, je résiste pas à chaque fois de leur dire, alors, vous avez entendu parler de la déchéance de nationalité, ou de leur poser des petites questions comme ça, et aucun n'en avait entendu parler, sauf une personne qui était mariée avec un Marocain. Donc voilà, et aucun autre ne savait ce que c'était. Ensuite, il y avait la loi du travail, la loi... donc là, les gens en avaient entendu parler. Je leur disais, mais vous savez de quoi il s'agit? Et alors, la réponse principale était, oui, on sait de quoi il s'agit. Cette ministre a été malade une journée, elle a déposé un... Mais je blague pas. Elle a glissé dans sa douche. Oui, oui. Non, mais elle a été malade, oui, je sais pas. Oui, et elle a dit, mais comment ça se passe pour un ministre? Est-ce qu'il dépose un truc? Est-ce qu'il faut un certificat? Parce que nous, il faut ça. Et c'était le principal débat. Mais qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Ouais, c'est ça. C'est ouais. Je pense qu'il y a des débats qui ne se font plus maintenant. Et par exemple, je suis très frappée par les primaires. La plupart des gens qu'on rencontre vous disent depuis des mois, ça va être terrible, si c'est encore une fois Sarkozy versus Hollande, on renverse la table. Et à mon avis, au magasin bricolage, on va pouvoir... Ça va y aller, quoi. Voilà. Donc, à suivre dans Le Monde, où bah, vous avez déjà un peu des idées de la manière... Mais sans blague, j'ai vraiment hâte, parce que je pense qu'on est à un moment crucial. Et que, contrairement à ce qu'on pense, on peut vraiment faire quelque chose. On peut vraiment dire, voilà, non, ça ne peut pas se passer comme ça, il faut réagir. Et les choses sont entre nos mains. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait une impuissance des électeurs. Je pense que vraiment, c'est aussi à nous de jouer. Et je suis impatiente de voir ça. Je le disais sans blaguer. Oui, oui. Pas pour la classe politique, non, hein, bien sûr, oui. Mais pour nous, mais nous autres, aussi, j'allais dire. Nous aussi, on est impatients. Et donc, vous avez vu, avec Florence Omna, on est persuadés qu'on va changer le monde. Ah, mais oui, mais c'est cette année. Mais vous aussi. Mais oui, par exemple, Hippolyte Girardot, vous aussi. Bah oui, moi, je change le monde. Enfin, je change mon monde. Parce que cet été, j'ai souffert, Charline, j'ai souffert, j'en ai pris, quoi. Vous me direz, bon, c'est mérité, mais quand même. Parce que retrouver un garçon que vous connaissez pas dans le lit de votre copine, que vous connaissez, ça fout les boules. Alors évidemment, dans ces cas-là, dans ces moments de grande détresse, un retour aux sources me semblait la seule bonne idée possible. Donc je me mets en route pour la Bretagne, et tant que j'y suis, camping. J'ai donc pris ma vieille caisse américaine, qui Hidalgo m'a interdite de conduire dans Paris. J'ai mis la tente, super facile à monter et impossible à plier, dans le coffre, et en route pour le festival du bout du monde, Presqu'île de Crozon, Finistère. Hit the road, Jack, la route, c'est la vie. Après une halte au milieu des hortensias, en compagnie d'une fée rousse qui me chantait les mérites du whisky armoricain et m'initiait au yoga 30 tantrique, dont m'avait d'ailleurs parlé Guillaume une fois, je me souviens, je repartais le dos en compote, mais l'esprit joyeux vers ce festival. Car j'avais un peu la nostalgie, c'est vrai, des pantalons sans forme avec des motifs à fleurs jaunes et pourpres, des cheveux teints haut et nés avec des tresses de couleur, et des concerts où on n'entend que les basses. Mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon, puisque on est Red Def, hein. Parce que c'est quand même, faut quand même le dire, le truc des festivals, sexe, drogue et rock'n'roll, il n'y a que ça. Et voilà, on fait le con dans sa caisse et bam, on se retrouve face à un barrage de la gendarmerie. Waouh, grosse descente. Le Pandore prend mon permis, me dit texto, c'est vous? Qui? Hippolyte Girardot. Bah oui, je voyais pas du tout comme ça, moi, Girardot. Toi, dis à son collègue, non, moi non plus, je voyais pas comme ça. Bon, effectivement, j'avais l'air défait après cette nuit d'hortensia. Mais c'est moi pourtant, on va vérifier, jeune homme. Vous avez fumé récemment? Récemment? La dernière fois, c'était quand? Ça, c'est une question piège, surtout après une nuit dans les hortensias. Une semaine, peut-être plus même, je crois. Ah bon? Ah oui, je vous jure, je suis sincère. Très bien, ouvrez la bouche. Et me voilà, au bord de la route, à sortir ma langue, avec les voitures qui passent et les gens qui se disent « Mais je le reconnais, lui, c'est pas Antoine Decaune, là, qui tire la langue au flic, là ?» Et l'officier se met à me gratter la langue vigoureusement, avec une sorte de brosse à trois petits plots cubiques et coupants. Je vous jure, si ça vous est jamais arrivé, méfiez-vous quand ça vous arrive. C'est très, très violent. Et vas-y, que je te grave, ça fait affreusement mal, mais bon, le truc n'a jamais fonctionné, évidemment. Ils m'ont lâché et je suis parti au festival m'éclater. Et en roulant, je me disais « Non... Hippolyte, l'erreur, ça a été de dire aux policiers que t'étais sincère. Et ça m'a rappelé pourquoi j'étais parti. Vent debout en Bretagne, le garçon dans le lit de la copine, bon. Mais quand vous demandez qui c'est et qu'elle vous répond, je ne le connais pas, je te jure, c'est la première fois que je le vois. Vous vous dites, bon, après tout, pourquoi pas, la nuit, tout ça. Mais quand elle ajoute, je te jure, je suis sincère, là vous savez qu'elle ment. C'est presque un signe, n'est-ce pas Nicolas? Oh, vous savez, j'ai beaucoup de défauts, Madame Martichoux, mais quand je ne dis pas ce que je pense, ça se voit. Et ça ne s'arrange pas avec l'âge. Eh ben voilà, c'est Nicolas qui m'a fait comprendre ça. Merci Hippolyte Girardot, vos étés sont passionnants. N'est-ce pas ? Très aventureux, comme vous voyez. Vous avez l'air remis quand même, malgré tout. Très bien, ça m'a même mis plaisir. En forme. Ah, oui, voilà. Avec Florence Omna, on traite le troisième sujet, car c'est le moment de l'année où on parle de, tiens, un autre festival, de photojournalisme. C'est quand s'ouvre Visa pour l'image, à Perpignan. Le journal L'Humanité raconte ce matin, par exemple, comment les photoreporters sont poussés à devenir créatifs pour pouvoir continuer à vivre de leur métier, pour rester un pur de dur, hein, un photoreporter-reporter. T'as vu ça ? C'est un bon chien, non ? Il fait le chien, et moi je fais le maître. C'est la même chose avec les hommes, Giancarlo. Tu veux être un chien ou un maître ? Aucun des deux. Tout ce que je veux, c'est être journaliste. Et je parie que tu voudrais être un journaliste-journaliste, non ? Ouais, parce que là aussi, il y a deux catégories de personnes. Il y a les journalistes-journalistes et les journalistes-employés. Pour tout dire, j'ai choisi la deuxième catégorie. Mais les vrais journalistes-journalistes, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir, Giancarlo. Ceux-là, ils apportent les super nouvelles, les scoops, et ils ont pas souvent droit aux applaudissements de la rédaction, non. Parce que les vraies nouvelles, les scoops, c'est toujours très emmerdant, crois-moi. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Mais fais-moi confiance. Ce pays... C'est pas un pays pour les journalistes journalistes. C'est un pays pour les journalistes employés. Tirade, issue de Fort Tapasque, film italien de Marco Risi. Les journalistes journalistes et les journalistes employés. C'est ouvert le festival Visa pour l'image à Perpignan le 27 août. On dit toujours que, évidemment, c'est une profession en danger. On explique dans L'Humanité qu'on sent parfois décliner la qualité des photoreportages parce qu'on envoie les photoreporters de moins en moins longtemps sur le terrain. Florence Omna, pourtant, il faut aller de moins en moins loin pour photographier la misère, les réfugiés, les migrants. Ça fait des économies pour les journaux normalement. Mais oui, c'est ça, c'est incompréhensible. Un bon passe Navigo et l'affaire est dans le sac. Ouais. C'est ça qui est c'est lamentable. Alors quand vous partez en reportage, comment ça se discute le fait que vous soyez accompagné ou pas d'un photoreporter? Est-ce que ça se défend? Est-ce que ça doit se gagner? Ou est-ce qu'au monde vous avez ce luxe de pouvoir partir avec eux? C'est une discussion quotidienne ou hebdomadaire? Ça a été longtemps systématique. Pendant longtemps, ça ne se posait pas. C'était avec quel photographe tu vas partir. Ce n'était pas une interrogation sur oui ou non, c'était avec qui. Donc c'était systématique, on partait en reportage avec un photographe. Voilà. Oh non, pas lui. Oui, c'est ça. Oh oui, lui, encore le même. Donc quelques anecdotes savoureuses que je vous épargne ici. Du cul. Ouais. Bon. Cette fameuse série sur les campings, il y a deux ans. C'est ça. Où j'ai failli l'insulter à la fin. Je t'ai dit, enlève le sable sur tes chaussures. Quand tu rentres, c'est toujours moi qui faisais le ménage. Enfin bref. Mais il y a une forme de cohabitation. Vous savez cohabitation. Ce que c'est la presse. Hein. Bah, c'est oui. Un peu l'aventure. Mais il y a une forme de tandem quand même quand vous travaillez avec eux. C'est deux individualités et puis on met les choses en commun. Il y a un véritable tandem sur le terrain. Alors, on a les gens qu'on préfère. Et moi, ce que j'aime bien, c'est travailler ensemble. C'est-à-dire, on va aux mêmes endroits, au même moment. Et le photographe, qui est journaliste également, pose des questions, si ça lui chante. Voilà. Donc, qu'il arrive qu'un photoreporter aille à un autre moment que le journaliste sur place. Oui. C'est triste. Oui, ça c'est un peu triste. C'est un peu triste. C'est presque usurpé. Mais... Oui, c'est ça. Et parfois même, ça c'est sordide. C'est le journaliste reste 4 jours et le photographe reste 1 jour. parce que c'est cher. Comment on vit en tant que journaliste de presse écrite qui essaye de relater le plus précisément les choses, la force de l'image? Parce que quand on a vu le petit Ilan ou le petit Syrien là récemment, là le monde bouge et se dit mais enfin comment est-ce possible de voir ça alors que vous l'aviez Emmanuel sans doute... Macron sur la plage. Voilà, éventuellement. Alors que vous l'aviez sans doute écrit, dit, décrit. Non, je pense qu'il y a de la place pour tous et je pense qu'à certains je pense que c'est plus à un moment une opinion publique est prête à accepter quelque chose, est prête à se rendre compte de quelque chose. On le sait et puis à un moment on le réalise. Et c'est la presse souvent on est un peu désespéré, c'est-à-dire qu'on fait la 25e une sur le monde va mal, la couche d'ozone, les victimes de la dépakine, donc tout ce qui ne marche pas. Et puis, vous avez l'impression de crier dans le désert, un peu comme si vous écriviez sur un paquet de cigarettes, fumez-tu, vous voyez. et en fait, à un moment donné, les choses arrivent, j'allais dire, à une forme de mûrissement. Et les gens se disent, mais c'est vrai, ça ne peut plus continuer. Et dans beaucoup de domaines aujourd'hui, ça arrive comme ça. Je pense que pour l'agriculture, par exemple, on arrive à ce moment-là, où ça devient audible. Où le choc crée aussi la prise de conscience et l'intérêt pour... Exactement. Et si ça tombe sur une photo, c'est une photo. Si ça tombe sur une grande enquête, comme ça a été le cas, par exemple, pour le sang contaminé, c'était des journalistes de presse écrite qui ont porté ce sujet-là, qui à un moment a été audible. Ou l'affaire Baupin, on n'a pas eu les photos. Mais... Florence Omna, c'est le moment où vous devenez une autre, si vous l'acceptez, avec nous. Il n'y a pas de piège. C'est le moment du sketch qu'on a gardé. Ah oui, c'est pas pour piège alors. Non, il n'y a pas de piège. Encore que parce que vous jouez le rôle de Florence Aubenas, qui est convoquée par son directeur du Monde parce qu'il voudrait un petit peu. Enfin, parce que ça fait un moment que je lui demande. Eh ben voilà, il a une grande nouvelle à vous annoncer. J'espère que ça va vous plaire parce que lui est un peu inquiet de vous parler de ça. Bien, Florence, donc c'est au grand reporter que je m'adresse. Pour un sujet en Irak, en Syrie, à Villeneuve-Loubet? Non, je suis très embêté. En fait, nous avons pensé à vous pour notre nouvelle rubrique People. À moi? Oui, voilà, je sais, je suis désolé, vous connaissez les problèmes de budget en presse écrite. Mais c'est grave cool! Je kiffe les People! Ça se voit pas immédiatement, c'est pour ça. Alors, bon, si vous voulez analyser le phénomène par un angle plus sociétal. Non. J'ai été à fond avec des femmes de ménage à Ouistreham, donc j'irai à fond ici. Saint-Tropez, le champagne, la coke. Oui, alors n'en faites pas trop quand même, la Florence. Coke. Ouais, oui, pas trop. La coke. Oui, non, mais j'ai bien compris. On n'a pas tous les budgets, non. Vous voulez quoi pour commencer? Paris Hilton? Kim Kardashian? Je vous assure. Parfait. Ou alors le chat de Michel Drucker, vous voulez me proposer aussi? Bon, je reconnais bien la journaliste pointue et exigeante, c'est bien. Vous savez que Paris Hilton est très préoccupée par la pauvreté dans le monde. Ouais, elle est même connue essentiellement pour ça, bien sûr. Bon, je vais l'appeler, ça va nous faire un super sujet. Attendez, vous avez le numéro de Paris Hilton? Bien sûr. Ah oui. Allô Paris? Oh Florence, comment vas-tu? Vous tutoyez carrément? Ah, mais c'est qui celui-là qui parle là? Un gars hyper sérieux qui dirige un grand journal français. Ah, oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un pauvre. Je viens de lui dire que tu soutenais la pauvreté. Oh, j'adore ça, mais dans les pays pauvres, dans les pays riches, je trouve ça vulgaire. See you, Florence, kiss kiss. Ah, kiss kiss, elle est top, swag. Non, attendez, vous n'auriez pas une autre mère Teresa dans votre carnet d'adresse, hein? J'appelle tout de suite Kanye West. Je vous jure, le dossier, je l'ai en main. Boss, laissez-moi une deuxième chance. C'est votre ex, hein, il me semble. Ouais, ça, c'est du vrai journaliste d'infiltration. C'est bien, Florence. Pas du tout, c'est juste une love story comme ça. Ah. Allô, Kanye? Yes, so. How darling are you? Très bien, merci. J'aimerais faire un reportage sur toi, tes combats, tes engagements. Oh yeah, money, drag, because. T'as pas changé, baby. Non. C'est bien, Florence. Non, vous me bluffez, hein, vraiment. Faut juste trouver une idée pour teaser cette interview exclusive de Kenny, hein, comme vous l'appelez. Ah, si vous voulez, je crois qu'il doit me rester quelques sextés. Merci Florence Omna. J'ai pas compris la moitié du dialogue. Vous avez joué le jeu jusqu'au bout. Il y a quelques mots que j'ai tout vous à fait. Vous étiez donc notre marraine idéale. Merci pour tout, pour le fond, pour l'amusement, pour tout. Bon, on a bu une bière, me permets. Je vais lever mon verre ici. Allez-y. À Dirk, qui nous écoute à Sainte-Honorine. Et à Claire, qui nous écoute à Caen. Très bien, on les embrasse. Et au CSA, Florence Omna, au Monde, au Festival Monde Festival. Vous exagérez. Samedi 17 septembre à 10h, mais vous vérifierez quand même. Et puis bien sûr, toujours le quai de Ouistreham et Florence Omna dans Le Monde. Merci. Bicon, Métèque, Moutouf sont autant de petits sobriquets que d'aucuns usagers utilisent pour désigner nos amis les Maghrébins. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants. À l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux.